arrête de pleurer pour rien. T'as cru qu'on allait te proposer la chaise afin de prendre ton aise à poser ton cul, alors que certains n'ont plus rien, ne s'en sort plus. Le sort s'accentue comme ses fichus facturant en surplus. Assorti à l'indépendance et son fort prix, tout dépend de la manière dont tu gères tes économies. Si t'exagères, ça te dépend. À chaque dépense, pense-y longuement. L'extravagance fausse le raisonnement et devient l'ennemi de la fortune. Pour qu'à chaque sortie de thune, tu ressentes l'horrible amertume. Surtout quand se font rares les profits, quand ces produits phares à courte durée de vie excitent ton envie pour être vite égourdé. À la vue tu devis au coût élevé, prendre un crédit c'est pour ne plus te relever. Visiblement on ne peut rester sans être vêtu de marque. Vois-tu, c'est notre vertu qui risque d'être marquée, inclus le risque d'être exclu, pourvu que personne ne puisse remarquer que ton compte est épuisé. Ce fruit cette justice jouissant de tous les droits, pour que tu puisses apprécier les délices des bancs de bois. Durée et froid, tu crois que c'est dur de dire merci à tes vieux quand on voit combien toi est tellement précieux. Cesse de faire le capricieux, compare ton cas à ceux qui ont dit adieu à leur physique déficient psychomoteur. Si t'as un déficit, l'état encrasse ton moteur. Sois à la hauteur de tes responsabilités, surtout si t'es habilité, car perdre la vie reste une facilité. Ne te plains pas, y'a certainement plus misérable. Certains n'ont rien à table, d'autres jettent face au considérable. Bouge ton cul, ferme-la. Ici c'est comme ça, et t'es pas le seul dans ton cas, tu vois. Ne te plains pas, y'a certainement plus misérable. Certains n'ont rien à table, d'autres jettent face au considérable. Ici c'est. Bouge ton cul, ferme-la. Personne t'empêche de respirer, à part la flemme et la fierté mal placée. Observe-la, la vie te fixe dans les yeux. Et si tu flanches, elle te sort de là. Combien n'y croient pas et puis mort de là. Poussière hors de là. Combien dépriment et sont au bord de là. Crise, grise, vise, ta mère se couche alors bord de là. Vie est sale comme les bords de là. Scène, et c'est la même. Chaque jour, chaque semaine, à chaque coin du globe, chaque problème a sa solution. Ça c'est ce qu'ils disent, on voit la pollution. Ces gens nous mentent, on n'y croit pas, ça déborde de là. Tu vois, c'est pas la peine de chialer. Maintenant qu'on sait où se trouvent les problèmes, toi et moi, y'a plus qu'à y aller. Et toi et moi, et lui et tous, ça fait un chiffre considérable. Mais y'a certainement plus misérable. Ne te plains pas, y'a certainement plus misérable. Certains n'ont rien à table, d'autres jettent face au considérable. Bouge ton cul, ferme-la. Ici c'est comme ça, et t'es pas seul dans ton cas, tu vois. Ne te plains pas, y'a certainement plus misérable. Certains n'ont rien à table, d'autres jettent face au considérable. Bouge ton cul, ferme-la. Ferme-la. Sors de là. Sors de là. Ne te plains pas, y'a certainement plus misérable. Certains n'ont rien à table, d'autres jettent face au considérable. Bouge ton cul, ferme-la. La vie c'est comme ça, et t'es pas seul dans ton cas, tu vois. Ne te plains pas, y'a certainement plus misérable. Certains n'ont rien à table, d'autres jettent face au considérable. Bouge ton cul, ferme-la. La vie te fixe dans les yeux, et si tu flanches, elle te sort de là. The style, the style, Buffa, Buffa. Distribution, distribution. Secret connexion, arrête de pleurer pour rien.